sur le dos à ce mauvais public bruyant. Bien sûr, pour eux, c'est trop beau, on n'en voit pas si souvent des assassins. Chaise électrique, à pied de juge, au bout du public.